Le Comité national d'études des adultes du Congo démocratique a inséré dans son page internet, le 30 août, le test intégral du discours inaugurant l'âge d'or du mouvement de la jeunesse Kim Il-soniste Kim Jong-iliste, prononcé par le maréchal Kim Jong-un à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, avec la photo du maréchal.